bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy. Allô, allô, bienvenue dans ce Lobster 181.0. J'espère que vous allez bien. Premier Lobster de 2026, si je ne me trompe pas, le dernier date durant la période de Noël. Donc, j'ai mis de côté plein de choses dont je voulais vous parler. Là, justement, je viens de terminer d'enregistrer une autre émission du Grenier Pop. C'est une émission dans laquelle je fais le tour de l'almanach du Vieux Fermier 2026. Ça, c'est un almanach là, qui sort chaque année, puis c'est plein de conseils là, pour les semis, la culture, puis il y a toutes sortes d'affaires dedans, de vieilles croyances. Il y a comme un calendrier qui dit c'est quoi la meilleure journée pour arrêter de fumer, comment ça serait en février, ça serait le 5 et le 7 février, c'est la meilleure journée pour commencer d'arrêter de fumer. Puis en tout cas, il y a la meilleure journée pour couper tes cheveux pour qu'ils poussent plus, pour qu'ils coupent moins, commencer une diète. Bref, il y a plein d'affaires comme ça dans cet almanach un peu vieillot qui date des années, qui a débuté en 1792 d'après ce que j'ai lu. Donc j'ai fait un épisode du Grenier Pop là-dessus. Vous allez pouvoir l'écouter là, aujourd'hui là, dans ce Lobster. Je le joindrai. Puis je vais joindre aussi l'autre émission que j'ai fait. C'est une émission sur Donjon Dragon. Vu que je vais recommencer à jouer avec mes amis, on doit recommencer à jouer bientôt. Puis on va être un gros groupe en plus. Moi, ça fait longtemps que je veux jouer, mais là, ça semble attirer plein de gens. On devrait être moi qui vais faire le maître de jeu, plus 6 joueurs. Et j'ai déjà un de mes garçons là, qui a fait son personnage, qui va être un sorcier. J'ai mon ami Nicolas qui a fait un ninja. Et là, toute la petite famille à Martin doit faire son personnage. Ils sont 3, eux, qui vont jouer. Et Étienne aussi, un autre ami qui devrait jouer. Donc, ça devrait nous faire un beau groupe. Puis, on va entreprendre une aventure qui s'appelle la Tour d'Émeraude. Nous, on joue encore à Donjons et Dragons version 3.5 avec Pathfinder version 1. Donc, c'est le Pathfinder adapté aux versions 3.5 de Donjons et Dragons. Moi, j'ai pas mal tous les livres de ces versions-là et j'ai beaucoup des livres de Pathfinder. C'est des livres qui coûtent quand même assez cher. C'est des livres qui coûtaient à l'époque entre 50 et 70$. Puis pour les acheter encore maintenant, c'est toujours le même prix. Je suis retourné au Valet de cœur il y a 2 semaines pour me racheter des dés. Quand on débute une nouvelle campagne, il faut toujours avoir de nouveaux dés. Des dés qui ne sont pas cursés par le sort. Et puis là, je me suis acheté des dés immenses de maître de jeu parce qu'ils vendent toutes sortes de kits de D20. Et puis là, j'ai acheté un kit. Tous les dés sont là, mais ils sont plus gros que les autres. Fait que là, je leur ai indiqué que mes dés vont faire le double de dégâts vu qu'ils sont plus gros que les leurs. Sur Temu, j'ai aussi commandé des dés de la mort. C'est des dés avec des pics. Je les ai pas reçus encore. Je dois les recevoir cette semaine. C'est des beaux dés. Ils les vendaient à la boutique du Valet de cœur. Ils les vendaient combien? Ils les vendaient 58$ le kit de dés. Mais sur Temu, les mêmes dés, c'est des dés en fait qui viennent de la Chine, là. Je les ai payés 20$ le kit. Donc, c'est un peu plus que moitié prix. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, j'ai trouvé sur Internet, vu qu'on joue une version de Donjons et Dragons puis de Pathfinder qui date quand même de plusieurs années. Donc, toutes les PDF, les gens les ont mis disponibles sur Internet, là, sur les sites de Torrent. Puis là, j'ai téléchargé tous les documents complémentaires pour l'aventure de la Tour d'Émeraude. Ce qui fait que j'ai tous les personnages qu'on va rencontrer, tous les monstres, eh bien, il y a un document qui me permet de les imprimer, de les coller sur du carton, puis de les rentrer dans un petit boîtier là, qui permet de tenir les personnages. Puis ça, on va pouvoir les mettre sur notre map de jeu. Fait que moi, j'ai déjà des boîtes qui sont faites par Donjons et Dragons, là, avec des petits personnages qui sont déjà peinturés, mais ça coûte très cher. Ces boîtes-là sont autour de 23$ pour 6 personnages. J'ai voulu en racheter en allant au Valet de Cœur, j'allais pour ça. Pour regarder ça aussi, puis c'est très cher. C'est un peu démesuré. Fait que, comme je me suis acheté une nouvelle imprimante là, qui coûte pas grand-chose pour imprimer en couleur ou en noir et blanc, ben, je vais imprimer tout simplement les personnages en couleur, puis je vais les coller sur des cartons, puis les mettre dans les petites affaires pour les tenir. J'ai commandé une centaine de petits... le bas de la figurine, là, c'est un rond dans lequel on insère le carton pour qu'elle tienne droit. Fait que ça va être de la même taille que nos personnages de Donjons Dragons qu'on peut acheter, mais c'est moi qui vais les imprimer tout simplement. Puis sur Temu, ça coûtait 1,36$ pour 50 affaires pour tenir les personnages. Fait que j'en ai acheté 100, là, ça m'a rien coûté. Donc je suis bien content là, d'avoir trouvé ça. Puis évidemment, dans les autres PDF que j'ai trouvé, ben c'est toutes les complémentaires, toutes les histoires, parce que nous, dans l'univers de Pathfinder qu'on joue, c'est le monde de Golarion, puis il y a toute une grosse carte qui parle de la mer intérieure. C'est comme une météorite qui aurait tombé à quelque part sur la Terre, puis ça a créé une mer intérieure. Puis tous les royaumes autour de ça sont décrits. Puis sur chacun des royaumes, il existe des PDF, donc si les joueurs décident de se rendre à tel endroit, eh bien, j'aurai un peu l'historique de l'endroit. Nous, on va jouer dans les royaumes fluviaux. La tour d'émeraude se trouve dans un bois qui s'appelle le bois de l'écho. L'aventure démarre à fort inébranlable. C'est un fort qui est tenu par des guerriers infernaux qui, eux, étaient partis en croisade, mais à un moment donné, se sont arrêtés dans ce coin-là parce qu'il y avait beaucoup de voleurs, de bandits qui empêchaient les gens de prendre la route. Puis finalement, cette gang de guerriers infernaux-là qui font partie d'une genre de pas de secte, là, mais c'est un genre d'église, ils ont décidé de protéger le coin pour que toutes les autres gens qui veulent aller comme en croisade n'aient pas de problème à prendre les routes, puis tout ça. Donc, eux protègent la région et vendent aussi des laissés-passer si on veut aller explorer le coin. Donc, eux, dans ce coin-là, on n'a pas le droit de nous-mêmes d'aller choisir de tuer des bandits, tout ça. Il faut avoir un permis qui provient d'eux. Bref, il y a toute une belle histoire autour de ça. J'ai trouvé les PDF qui expliquent aussi la région des royaumes fluviaux, là, où c'est des seigneurs qui contrôlent beaucoup. Il y a beaucoup de chenaux, de fleuves dans ce coin-là. Donc, l'esclavage est interdit dans ce coin-là, mais c'est ça. Bref. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous voulez jouer à Donjons Dragons, les vieilles versions, tous les documents sont disponibles en ligne gratuitement. Il suffit de chercher un peu. Puis il y a un site qui s'appelle, si on fait une recherche sur Aide Pathfinder, vous allez trouver un site. Je pense que c'est pathfinder-fr.org. Tous les règles sont là. Tous les livres que j'ai, ben, avec le temps, ils ont tout transcrit dans ce site-là. Puis on peut les consulter. Il y a des belles images. Fait que là, les joueurs, je les ai donné la consigne, là, comment faire leur personnage, d'aller fouiller là-dedans, choisir une classe, comme mon garçon a choisi de faire une sorcière, c'est ce qui l'intéressait. Donc, ça lui permet de tout voir en ligne facilement en cliquant. C'est quoi les pouvoirs, c'est quoi les sorts de la sorcière. On va même pouvoir les imprimer en belles cartes. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on a aussi on utilise un logiciel pour bâtir nos personnages, parce qu'avec les années, bien, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de suppléments, puis avec ça, ça devient quand même pas très simple de faire son personnage pour quand on débute. Mais bon, il y a des gens qui ont codé un logiciel pour faire ça. Le nom du logiciel, il s'appelle PC Gen. Puis il suffit de le télécharger, puis de charger les règles de Pathfinder dedans. Il y a comme 2-3 sets de règles, puis de trouver notre type de classe de personnage là-dedans. Donc tu trouves sorcière, puis là après ça te pose toutes les questions. Ils disent rentre ton nom, tire tes dés, fais telle affaire, ta. Puis là à la fin, tu as tout ton personnage qui est décrit dans le logiciel. Il suffit de le retranscrire sur une feuille Pathfinder là, que tu imprimes. Bref, c'était pour dire que nous allons recommencer à jouer à Donjons et Dragons. Puis là, avant de poursuivre plus loin ce Lobster, je voulais débuter par une chanson. C'est quelque chose que je viens de découvrir, une nouvelle chanson, mais la chanson date de quand même 15 janvier 2014. C'est vieux, là, mais moi, je viens de la découvrir. Ça s'appelle Woods of High Press. Je pense que le groupe, c'est Finality. C'est une belle chanson. Donc, on l'écoute maintenant, puis on continue le Lobster après ça. De retour, c'est une chanson que j'ai trouvée dernièrement, là, que j'ai entendue à la radio, puis j'ai fait un Shazam dessus. Une chanson que j'aime bien. Sinon, quoi d'autre? Eh bien, ces temps-ci, j'étais dans l'écoute sur Netflix, des shows de drama un peu. Ben, drama-comédie coréen. J'écoute pas les shows d'Hollywood, là, je suis plus dans ceux coréens, là, sud-coréens. Parce que je trouve que c'est différent un petit peu, puis ben, je pense que j'en ai déjà parlé. Mais là, c'est ça, il y a plein de soirs où mon garçon passe à la maison après le travail, puis il arrive, puis il me trouve en train de pleurer parce que j'écoute mes émissions, fait que j'ai les yeux rouges, parce que c'est des comédies sentimentales que j'adore, mais bon, ça donne de l'émotion. Puis là, c'est drôle, mon garçon, il m'y arrive, puis là, j'ai les yeux rouges parce que je suis en train de pleurer à cause de mes séries, puis j'ai dit tout le temps, ben oui, je suis en train d'écouter mes séries. Puis c'est ça, j'en ai une bonne à vous conseiller. Si jamais ça vous tente d'écouter, une s'appelle The Potatoes Lab. C'est l'histoire d'une personne là, qui est une chercheuse sur les patates, sur les gènes de patates. Puis là, il y a un nouveau directeur qui arrive comme à l'usine. Puis là, il y a toute une histoire d'amour, mais c'est tellement bon, là, ça, j'ai adoré. Là, je viens d'en terminer un autre. J'ai pas retrouvé le nom pour vous le donner, mais c'est une personne qui est à la tête d'une compagnie de nettoyage. C'est lui le PDG, mais il est atteint d'une maladie. Il a la maladie, il a peur des germes, OK? De tout ce qui est... Fait qu'il est pas capable de toucher aux gens. Puis bref, il y a toute une histoire. Puis il y a une fille qui arrive pour travailler pour lui. Puis elle, elle est un peu... Elle a tout le temps les cheveux sales, le nez qui coule. Puis là, elle se rapproche beaucoup trop de lui. Puis là, il est en train de virer fou à cause de ça. Fait que c'est cette série-là qui m'a fait beaucoup pleurer parce que ça devient super beau vers la fin quand il y a un rapprochement, là. Mais bon, j'ai pas trouvé le nom, je le trouve pas. Mais bon, c'est facile à trouver, là. C'est, c'est une compagnie de nettoyage. C'est un show là-dessus. Puis sinon, c'est ça, là, je suis tanné d'écouter des séries qui font pleurer. Fait que je me suis abonné hier sur une autre affaire qui est un peu l'équivalent de Netflix, mais bon, il y a moins de choses. Ça s'appelle Dropout TV. Ça avait le nom de comédie. Je sais plus quoi. Bref, ça a changé de nom avec le temps, mais là-dessus, ce qu'on retrouve, c'est des acteurs qui font des shows, mais c'est improvisé. Fait que là, celui que je suis en train d'écouter, ça s'appelle Very Important People. C'est une fille qui joue l'animatrice, puis elle reçoit tout le temps des gens qui sont déguisés. Ils ont eu des grosses prothèses pour changer leur visage. Fait qu'il y en a qui arrivent, puis ils sont tout habillés, puis le visage changé. Puis, par exemple, ils ressemblent à un ovni. Il y en a d'autres qui arrivent, ils sont des jumeaux, ils sont identiques les uns des autres. Puis là, ils improvisent pendant 25 minutes une interview, mais c'est magique. Puis celui qui est le plus drôle, l'épisode le plus drôle, c'est Archimède and Holly. Attends, je pense que je peux vous le faire jouer en même temps. Je le fais jouer en background. I don't like this rule. Hey, well, it's my rule. I don't like these rules, okay? And I don't it's like not, how you handle them. And it's my set, so we're taking back the power, and I'm reclaiming my time. Okay, so this is my... Oh my God. Oh my God. Oh no! Oh my God. Dans ce qu'on est en train de voir, c'est ça, ils ont déguisé deux comédiens en bébés, puis ils disent que c'est deux bébés qui arrivent de l'espace, puis ils sont là pour se faire adopter par des nouveaux parents. Mais ils ont comme pas de bon sens. Il y en a un qui est immense, il doit peser 300 à 400 livres normalement, là, c'est son poids normal. Mais imaginez-le en bébé, puis l'autre, ils l'ont tout grossi, puis il a l'air d'un bébé aussi. Mais là, pendant que l'animatrice est en train de parler avec un, l'autre, il est plongé dans une fontaine d'eau qui est en arrière de l'animatrice. Il est à la recherche d'une vape pour fumer. Mais là, il fait semblant d'être noyé. Puis là, les deux, ils sont en train de tirer dessus pour le sortir de là. Hello! Okay. He's a okay. He made it. 1, 2, 3, 4, 5. There we go. Okay. Puis à un moment donné, durant l'émission, il prévoit différents segments. Puis il y a un des segments où il avait prévu de la nourriture, puis tout ça, des affaires dedans. Mais là, les bébés, ils deviennent comme violents. Puis ils prennent le hochet, puis ils cassent tout. Avec le rocher, ils cassent les tasses. Puis là, pour les rendre un peu gentils, il y a un des bébés qui dit à l'animatrice de venir le nourrir, mais à chaque fois qu'elle nourrit, il crache la nourriture en faisant... Fait que là, ça devient drôle. Mais c'est ça, ça dure quoi? Ça dure cet épisode-là, il dure 24 minutes. Ça n'a aucun bon sens. Je vais le réécouter à soir. Puis c'est ça, il y a 3 saisons d'une quinzaine d'épisodes chacune qui sont disponibles. Puis il y a un épisode qui sort tous les jeudis. Puis là, j'ai quasiment fini d'écouter. J'ai commencé hier à écouter ça. En fait, ça ne me tentait pas de le télécharger. Là, ça coûte 7,68$ pour un mois d'abonnement. Puis sur le site, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des jeux aussi où ils improvisent. Il y a toutes sortes de jeux bizarres. Là. C'est comme des séries à la Patrice Lécuyer, mais ils improvisent. Il y a une des séries où les gens viennent jouer un jeu, mais ils ne savent pas les règles. Il faut qu'ils devinent les règles à mesure que le jeu avance. Puis ce qu'il y a beaucoup sur ce site-là, Dropout TV, c'est des gens qui jouent à Donjon Dragon. C'est pour ça que ça m'incitait aussi à m'abonner. Ça s'appelle Dimension 20. pour un des 20. Puis là, il y a plein d'aventures là, qui durent 3-4 heures. C'est sûr, c'est en anglais, là, mais c'est quand même intéressant parce que moi, je consomme quand même beaucoup de Donjons et Dragons d'aventures en français là, sur les chaînes Coup Critique puis Etu Game. Puis dernièrement, j'écoute aussi sur Globby Game, qui est une chaîne française où ce qu'eux autres font beaucoup, beaucoup d'aventures. Mais bon, ils sont un peu moins rigoureux, ils déconnent beaucoup, fait que je les écoute, j'ai de la misère un peu embarqué dans leurs aventures, mais il y en a des très bonnes. Mais pour Coup Critique et Etu Game, ça c'est vraiment vraiment les meilleurs, là. Ils ont des séries, des campagnes qui sont magnifiques, fait que là je vais essayer ça là, sur Dropout, d'écouter leurs campagnes à eux. Puis évidemment, il y a des décors magnifiques. Ce que je lisais là-dessus sur la chaîne Dropout TV, c'est que c'est un des acteurs là-dedans, parce que c'était sur le bord de faire faillite, cette affaire-là, puis il y a un des acteurs qui a tout racheté. Puis là, lui, il a passé ça sous Patreon, là, les gens s'abonnent, comme j'ai fait, là, 7$ par mois, mais là, ils sont rendus à plus d'un million d'abonnés, parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent pour... ils ont tous lâché les shows qui étaient scriptés pour devenir des shows où ce que les gens, c'est juste de l'improvisation, c'est ça qui est le plus drôle, puis que les gens demandent. Fait que ça a attiré beaucoup de gens sur leur chaîne. Puis là, avec un million d'abonnés qui payent par mois, ça lui fait, disons, je sais pas, 7-8 millions, imaginez. Donc, ils peuvent mettre ça en budget. Ils ont une grosse équipe, ils sont 40. Puis il y a une équipe qui est là juste pour les déguisements ou faire les décors de Donjons Dragons. Fait que quand ils jouent à Donjons Dragons, ils sont tous déguisés. Sur leur tableau, ils ont toutes des belles maps qui sont faites avec des vrais décors. Bref, c'est magnifique. Puis c'est ça, il y a des vieux shows aussi. Parce que avant là, c'était comment ça? Ah, je pense que c'était quelque chose comme Comédie Centrale. Puis tous ces shows-là se retrouvent là aussi. Fait qu'en tout cas, j'ai pas tout fait le tour là, mais il y a beaucoup beaucoup de choses à regarder là-dessus. C'est sûr, c'est pas comme Netflix là, il y a pas de films, c'est juste des séries. Mais il y a quand même pas le nombre de séries qu'il y a sur Netflix là. Disons qu'il y a une centaine de séries, mais bon, comme ils sortent des choses, chacune des séries sort un épisode par semaine, donc avant que j'aie le temps de tout écouter ça, en tout cas, je vais voir, là, je suis abonné pour un mois. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après ça, ah oui, bonne nouvelle! Saviez-vous que les Jeux para-olympiques d'hiver s'en viennent? Ben oui, les Jeux olympiques d'hiver, c'est ça, ça a lieu en 2026, donc qui dit Jeux olympiques dit Jeux para-olympiques. Donc, ça se passe à Milano, d'après... Ah oh, ouais, c'est ça. 1, 2, 3, il y a 4 endroits où ce que ça va avoir lieu. Vérone, Milano, Cortina puis Tessero. On va avoir le Para Ice Hockey à Milano. On va avoir du Para Ski Alpin puis du Para Snowboard à Cortina. Puis on va avoir du curling en fauteuil roulant aussi à Cortina. Puis à Tessero, on va avoir du biathlon, para-biathlon puis du ski de fond para-olympique. Donc, ça risque d'être amusant. J'ai bien hâte de regarder ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre que j'avais mis dans ma boîte à... Ah oui, le Canada va envoyer des gens en chaise roulante pour jouer au curling. J'ai vu qu'on a une bonne équipe paralympique pour ça. C'est quoi qu'ils disent? On a des médaillés qui s'appellent Ina Forrest et Mark Idenson qui font partie de l'équipe de curling qui ont gagné la médaille de bronze là, il y a 4 ans. Donc, ils vont être, donc, on a des bonnes chances en paralympique en curling. Quoi d'autre? Ah oui, j'avais mis ça de côté pour vous. C'est un article qui dit, l'article s'appelle 911, mon voisin fait la lessive. C'est les appels les plus insolites qui ont été faits à la GRC. Je trouvais ça intéressant. Et ça dit, au cours de l'année 2025, la police fédérale en Saskatchewan a répondu à plus de 420 000 appels, soit une augmentation de 15%. Puis là, ils publient leur liste annuelle de gens qui appellent pour des niaiseries pour rappeler que l'usage abusif du 911 peut retarder l'intervention des services d'urgence, puis qu'ils peuvent avoir des amendes. Bref, voici les 10 appels les plus loufoques qui ont été faits au 911 selon la GRC de la Saskatchewan. En 10e position, on a quelqu'un qui a appelé pour dire « au bout du rouleau ». Une personne frustrée a appelé pour se plaindre qu'elle n'avait plus de papier de toilette. En 2e, « route rocailleuse ». Les répartiteurs du service 911 ont reçu un appel d'une personne mécontente d'avoir dû conduire son véhicule de luxe dans une zone de construction. 3e, « êtes-vous là ». Une personne a indiqué avoir fait appel au 911 parce que son téléphone avait été déclenché par erreur par l'émission de télévision qu'elle regardait. Non, ça, c'est un code Alexa là, ou quelque chose du genre. Ici, ce n'est pas une allée d'épicerie. Une personne a appelé pour se plaindre que quelqu'un avait laissé un panier d'épicerie à l'entrée de sa cour. Une personne frustrée a appelé pour obtenir le numéro de téléphone d'un service de taxi. Les répartiteurs du 911 ont reçu un appel d'une personne préoccupée par le fait que ses voisins ne suivent pas les règles concernant le jour de la lessive. Ça, je ne sais pas c'est quoi, s'il y a des règles en Saskatchewan là-dessus, mais c'est un peu ridicule. Un autre, une personne a appelé pour se plaindre qu'un restaurant prenait trop de temps pour préparer son repas. Les répartiteurs du 911 ont reçu un appel d'une personne parce que les ronflements bruyants d'un membre de sa famille l'empêchaient de dormir. Ça, c'est vraiment ridicule d'appeler pour ça. Une personne frustrée a appelé parce que son ami avait fait cuire sa côtelette de porc sans sa permission. Et finalement, pouvez-vous m'envoyer un NIP? Les répartiteurs au service 911 ont reçu un appel d'une personne qui avait perdu son téléphone et voulait demander à un agent de l'appeler pour qu'elle puisse entendre le téléphone sonner. Donc, c'est des affaires un petit peu ridicules. Bon. Sinon, j'avais mis aussi un autre article, c'était quand même comique, un homme qui a avalé un œuf Fabergé et qui s'est fait arrêter. Vous savez, les œufs Fabergé, là, ça a été fabriqué, je ne sais plus en quelle année, là, mais c'est des beaux bijoux qui valent habituellement assez cher. Puis là, il y a une boutique qui en présentait plusieurs, puis il y a un homme qui s'est présenté là. Puis c'est un voleur un peu maladroit, puis pour se sauver avec, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a avalé. Puis tout simplement, la personne là, qui lui montrait, ben, ils ont pesé sur le bouton, puis le gars s'est fait arrêter. Fait qu'il a été mis sous observation pendant 6 jours jusqu'à temps que l'œuf finisse par ressortir naturellement. C'est un œuf Fabergé qui valait 20 000 $, il était tout beau. C'est un œuf qui est recouvert de bleu puis d'or là, puis en tout cas. Bref, il a fallu 6 jours avant que l'œuf ne ressorte de façon normale. C'est un petit peu ridicule. Quoi d'autre? Je pense qu'on est rendu à de la musique. Oui, on écoute encore une musique que j'ai mis de côté avec mes Shazam. Puis au retour, on continue sur Lobster 181. À tantôt. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Я такая вся, что добиваться будешь год. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy. Retour dans ce Lobster 180.0. Dernier sujet dont je voulais parler, c'est je voulais vous parler d'un peu de crayons pour faire des aquarelles. Durant le temps des fêtes, j'avais listé les choses que je voulais faire durant les vacances, puis j'avais noté aquarelle, puis j'en ai fait durant les fêtes. Puis j'ai regardé des vidéos justement pour en faire, puis ça m'avait amené à acheter un crayon. C'est une plume à encre. C'est une plume allemande qui est de marque Lamy, L-A-M-Y. J'avais commandé ça, mais je ne l'ai pas reçu durant le temps des fêtes. Là. J'ai reçu un peu plus tard. Puis là, je viens d'avoir le kit complet pour l'utiliser. Parce que quand j'ai acheté la plume, je ne savais pas, mais ça venait avec rien. C'est juste le crayon qui est quand même de qualité. Là, parce qu'il coûte quand même près de 50$. Juste un crayon sans rien. Là. Il y a même pas de cartouche à l'intérieur. C'est juste une belle plume qui permet de bien dessiner avec une pointe fine. Puis la personne là, qui faisait la vidéo là, d'aquarelle disait aussi quel type d'encre acheter. Fait que moi, j'ai acheté de l'encre. J'ai acheté ce qu'elle disait. La marque, c'est Noodler Inc. Noodler Inc. Puis j'ai acheté de l'encre noire, mais il faut, là, je suis en train d'ouvrir la boîte. C'est sur le dessin de la boîte, il y a comme un poisson en moustachu. Là. Puis c'est marqué Made in USA. Mais la chose spécifique, c'est que c'est de l'encre qui est waterproof. Après ça, une fois qu'elle est sèche, même s'il y a de l'eau qui va dessus, elle ne s'efface pas. Fait que ça permet de venir sur mes dessins d'aquarelle. Je fais mes dessins au début au crayon plomb. Après ça, je retrace à l'encre noire avec ma plume. Et après ça, je peux mettre mes couleurs à l'eau, puis l'encre ne bougera pas. Puis bon, si ça s'est décoloré un petit peu, je viens retracer à la fin de tout. Mais ça dessine tellement bien. J'ai jamais eu un crayon qui dessine aussi bien. Donc, je vous le redis, la marque, c'est Lamy. C'est un crayon allemand. Il coûte 50$. Puis après ça, l'encre coûte 32$ pour... j'ai combien d'onces d'encre? C'est une petite bouteille de... 3 onces d'encre, c'est quand même gros là, 3 onces. Puis il faut acheter, en tout ça m'a coûté 120$ là, parce qu'il fallait que j'achète aussi les cartouches d'encre qu'on met dedans, c'est bien fait. On tourne la cartouche, puis on la met dans l'encre, puis on tourne, il y a comme une affaire qu'on peut tourner, puis l'encre elle monte dedans ou elle descend. Fait que c'est un petit gadget qui monte ou descend dedans, qui fait que ça aspire ou non. Puis ça, ben j'en ai rempli une de noir, mais si j'avais de l'encre rouge, ben j'aurais une autre capsule que je pourrais remplir en rouge, puis je peux juste interchanger quand j'ai besoin pour avoir les couleurs que je veux. Mais là, moi, j'utilise juste le noir pour l'instant, parce que le rouge, j'ai vu que ça coûte encore plus cher. J'ai vu des bouteilles à 70$ d'encre rouge. Donc, je vais continuer en noir. Puis là, la semaine passée, c'est quoi? J'ai dessiné une vache sur une feuille là, 5,5 par une feuille de papier normal, mais c'est magnifique. Là. Je dis feuille de papier normal, j'utilise du papier aquarelle quand même, là, mais je voulais juste dire la taille. Donc voilà, crayon Lamy, si jamais ça vous intéresse, là, c'est un bon crayon avec de l'encre qui est insoluble dans l'eau. Ça fait vraiment bien là, pour faire de l'aquarelle. Donc voilà, on termine ça avec, je vais vous repasser 3 chansons que j'avais dans mon Shazam que je vais vous passer. La première, ça va être Lost in Your Eyes, c'est une chanson que j'ai bien aimée. Puis sinon, Maître Gims a sorti 2 chansons depuis le dernier Lobster. Ben, il en a sorti 3-4, je sais pas s'il sort un album, là, mais là, il sort des chansons, puis il y en a 2 qui sont vraiment bonnes. Il y a 2 jours, il a sorti la chanson Spa, puis là, il y a 3 semaines, il a sorti Incognito. Fait qu'on écoute ces 3 chansons-là, puis après ça, je vous passe les épisodes 17 et 18 du Grenier Pop, là, l'émission à la radio. Donc, l'épisode 17, comme je vous disais, c'est sur Donjon Dragon. Et l'épisode 18, qui est sur l'almanach, le vieil almanach des fermiers. Donc, voilà. Donc, bon Lobster 180. On se reparle bientôt. Quand j'arrive, tu sens le froid avant l'hiver. J'essaie de t'oublier à base de somnifères. Ma vie, tu vas comprendre, tu vas t'y faire. Je suis toujours en train d'encaisser. Tu voulais que j'arrive dans ta petite ville. Mais t'es mal bolide, je peux pas passer incognito. Tu voulais que j'arrive. On a fait le top, tout l'été, viens, on va t'expliquer le business plan. On drop top, sur le rooftop, apparemment elle aime qu'il est méchant. J'arrive bien, j'arrive plein, lumière flanche sur nous en bois. Pour voir que dans un sem, j'ai pas besoin de découper. Énervé, j'ai lâché un vrai couplé. Ça va ma journée, j'ai mis tous les diamants que j'avais pour que tu brilles de mille feux. Elle me dit qu'elle veut manger la vie, j'vais la capter en Viano. Elle me dit qu'elle préfère quand c'est R de Maggie sur le piano. Y'aura pas de Tiamo. Tu voulais que j'arrive dans ta petite ville, mais t'es mal poli, tu peux pas passer incognito. Accompagné de deux, trois acolytes, j'suis trop cramé pour passer incognito. Croc top, Kelly full croco. On s'est peut-être connu trop tôt. 3 secondes 08, let's go. Encore en train d'encaisser. Tu voulais que j'arrive dans ta petite ville. Mais t'es mal bolide, j'peux pas passer incognito. Tu voulais que j'arrive dans ta petite ville. Mais t'es mal bolide, j'peux pas passer incognito. Accompagné de 2-3 acolytes, j'suis trop cramé pour passer incognito. Y'aura pas de diamant. Elle me dit qu'elle préfère qu'on s'y Latina, North Africa, Pinta, Fatima, que tout le monde va t'aimer. Jeune belle Latina, North Africa, Pinta, Fatima, que tout le monde va t'aimer. J'ai à peine du sauna, mais moi une gorgonzola. J'ombre sur une beauté sauvage, dans style inconsolable. Incontrôlable, j'suis dans un fantôme. J'suis sur un sans faute, dans style incontournable. Donc si chiffre minimum, elle demande un minimum. Jeune belle Latina, North Africa, Finta, Fatima, que tout le monde va t'aimer. Jeune belle Latina, North Africa, Finta, Fatima, que tout le monde va t'aimer. Elle est bien la Latina, l'ami, j'suis plus Miss Africana, moi-même matinana nanana. Comment ça, t'as des baby mama? Ah bon, jolie nana, sexy, moi j'dis pas nanana. J'lui fais le combo spa à mam, j'l'amène à Oman. Train de vie infernale, du genre paranormal. J'fais le combo spa à mam, j'l'amène à Oman. Train de vie infernale, du genre paranormal. Allô, allô, bienvenue dans le Grenier Pop sur CIBL 101.5 FM. Mon nom est Frédéric Lavoie et je serai avec vous au cours de la prochaine demi-heure pour monter dans l'échelle qui mène au grenier. Et cette semaine, comme on débute la nouvelle année, j'en profite d'abord pour vous souhaiter de la santé. Et oui, c'est pas mal ça le plus important. Quand on a la santé, tout va bien. J'en profite aussi pour vous dire que le Grenier Pop sera dorénavant en rediffusion le mardi de 19h30 à 20h, donc deux fois plus de chances de nous entendre à la radio. Voilà, c'est dit. Cette semaine, on débute l'année avec un petit quiz. Je me suis amusé à ressortir des musiques thèmes de nos anciens jeux de console et on va voir si vous les reconnaissez. Par exemple, allons-y avec l'exemple plus facile. Une musique culte, il y a très peu de gens qui ne reconnaîtraient pas cette chanson. Elle est largement considérée comme le thème de jeu vidéo le plus reconnaissable de l'histoire. Un thème qui a même été inscrit au Registre national des enregistrements de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis et qui, selon une vieille étude universitaire de 1999 menée aux États-Unis, a trouvé qu'environ 66%, c'est donc 2 personnes sur 3, qui pouvaient fredonner le thème principal de ce jeu. Donc, on l'écoute! Dès les deux premières notes, je sais exactement où je suis rendu. On est en 1985, j'ai une manette carrée de Nintendo dans les mains et je suis assis trop près de la télé et devant moi, Super Mario Bros. Oui, je pense que vous l'aviez reconnu. Un jeu qui n'avait pas besoin d'explications bien compliquées. Tu avances vers la droite, tu sautes, tu évites des tortues et surtout, tu évites de tomber dans les trous. Mario, c'était un plombier moustachu, pas très bavard, mais qui nous a appris quelque chose d'important. Parfois, pour avancer, il faut juste prendre son élan et sauter. À l'époque, on parlait pas de sauvegarde automatique. Non, 3 vies, point final, et quand le game over arrivait, ben, on recommençait depuis le début en espérant que nos parents nous laissent encore jouer juste une autre partie. Et cette musique, bon, était pas là juste pour remplir le silence. Elle nous donnait un peu le tempo, elle nous poussait à avancer. Elle restait aussi beaucoup dans la tête longtemps après avoir éteint la console. Encore aujourd'hui, quelques notes suffisent pour réveiller des souvenirs très précis. Moi, quand je l'entends, je vois surtout des tortues que j'attrapais parfois là, pour relancer sur mes ennemis. J'ai tellement joué à ce jeu que cette musique est sûrement gravée dans plusieurs souvenirs dans ma mémoire. Maintenant, bon, on passe à un deuxième jeu qu'on doit deviner. Je vous fais jouer la musique. « Ici, je pense que c'est plus difficile à deviner, mais voici des indices. On est un chevalier en armure, on débute dans un cimetière avec des démons et une difficulté absolument sans pitié. À l'arcade, c'était un killer. Ici, pas de champignons pour devenir fort. Au premier coup, tu perds ton armure, au deuxième, c'est fini. Un jeu qui semblait avoir été conçu pour nous rappeler une chose, oui, tu peux mourir souvent et très vite. Et pourtant, on y revenait quand même, encore et encore, pour apprendre les patterns, pour mémoriser les ennemis et pour espérer un jour voir un peu plus loin que le bout de ce cimetière. Même la musique donnait le ton. Plus sombre, plus pressante, presque stressante. Comme si le jeu te disait dès le départ, tu ne vas pas t'en sortir facilement. Alors, pendant que ce thème joue en arrière-plan, pose-toi la question, est-ce que tu reconnais ce jeu ou est-ce que ton cerveau essaie encore de refouler un traumatisme? Eh bien oui, c'était la musique du jeu Ghosts and Goblins. Donc, vous pouvez avoir joué à ce jeu à l'arcade comme moi ou plus tard sur différentes consoles. Et là, c'était un peu plus facile. Moi, j'ai réussi à terminer ce jeu qui avait comme 6 niveaux distincts, mais sur console et en pouvant faire des sauvegardes n'importe où. C'est le seul moyen où j'ai réussi à passer au travers de ce jeu qui était franchement le fun, mais vraiment difficile. Maintenant, on passe à un troisième jeu à deviner. Troisième exemple, plus facile. Cette troisième musique de jeu, on reste dans les grands classiques de Nintendo, mais on ralentit quand même un peu le rythme. Après les sauts millimétrés de Mario Bros et la brutalité mortelle de Ghosts and Goblins, avec ce jeu, on nous invitait plus à l'exploration. Un jeu où on nous disait pas vraiment quoi faire. On apparaissait au milieu de nulle part et un vieil homme nous tendait une épée en disant « It's dangerous to go alone, take this ». À partir de là, c'était à nous de comprendre le monde. Explorer chaque écran, couper des buissons sans trop savoir pourquoi, poser des bombes au cas où ça ferait apparaître un passage secret, ou même jouer de l'espèce de flûte. Pour ensuite entrer dans des donjons qui ressemblaient à de vrais labyrinthes. Un jeu qui nous faisait prendre des notes sur papier, échanger des secrets dans la cour d'école et revenir toujours un peu plus confiant. Et cette musique, bon, elle ne nous pressait pas, elle nous donnait l'impression d'être en route vers quelque chose d'important. Une mélodie simple, héroïque, qui faisait naître l'envie d'avancer. Alors, pendant que ce thème jouait en arrière-plan, est-ce que vous avez trouvé de quel jeu je parlais? Et oui, c'était bien sûr The Legend of Zelda, un jeu que j'ai sur console ou sur mini-console portable aussi. Nintendo nous l'ont ressorti il y a quelques années sur un genre de petite console pas trop grosse que tu peux traîner dans tes poches et jouer dans le train pendant que tu te rends au travail. Maintenant, un autre son iconique de jeu que vous allez sûrement reconnaître facilement. Bon, on a changé complètement d'univers, on est rendu dans un jeu beaucoup plus circulaire, un jeu où tout est question de rythme, d'anticipation et de réflexe. On est dans un labyrinthe, tu manges des petites pastilles et tu dois éviter des fantômes, et si tu te fais attraper, c'est game over. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est le jeu Pac-Man, simple, hypnotique, mais complètement addictif. Je sais pas si vous le saviez, mais chacun des fantômes avait sa propre personnalité. Voici leur nom et ce qu'ils faisaient. Blinky, le fantôme rouge, lui, attaque directement Pac-Man. Il te suit comme ton nom. Pinky, le fantôme rose, a tendance à se mettre en embuscade. Elle vise l'endroit où tu vas te trouver. Inky, le bleu, est capricieux. Parfois, il part dans la direction opposée de Pac-Man. Et finalement, Clyde, le fantôme orange, feint l'indifférence. De temps en temps, il choisit une direction au hasard qui, parfois, peut être la tienne. Tout ça avec cette petite musique qui recommence à chaque niveau. Tu connais le son, il t'obsède, il te rentre dans la tête. Et même aujourd'hui, rien que de l'entendre, vous pouvez probablement encore vous imaginer ces labyrinthes et ces pastilles à manger. Mais saviez-vous, il y a même eu une chanson officielle pour ce jeu. La chanson Pac-Man Fever en 1981. C'est pas une chanson qu'on entend souvent à la radio, donc on va prendre le temps dans ce grenier pop de l'écouter. Pac-Man Fever sur les ondes du 105, c'est belle. Pour poursuivre notre petit quiz dans ce grenier pop, on quitte les consoles pour entrer dans un monde totalement ouvert. Si les jeux précédents étaient limités par l'écran ou le labyrinthe, celui-ci, il n'avait presque aucune limite. On écoute la musique, c'est pas mal plus difficile à reconnaître. Thank you. jour, je pense que vous êtes plusieurs à vous demander quelle est cette musique énigmatique. Eh bien, je vous aide, nous sommes en 1997 sur PC et ce jeu allait complètement changer la façon dont on vivait le jeu vidéo. Imaginez un monde virtuel immense rempli d'autres joueurs réels. Tu pouvais te promener librement, combattre des monstres, commercer, partir en bateau, construire des maisons ou même te lancer dans des aventures épiques avec des amis rencontrés en ligne. Donc, avez-vous découvert de quel jeu on parle ici? On parle ici du jeu Ultima Online. Et pour être honnête, moi, j'ai encore mon compte dans ce jeu. Et parfois, j'y retourne par nostalgie, joué pendant quelques semaines. D'ailleurs, j'ai encore le jeu en format CD-ROM dans sa boîte. Il venait avec une carte du monde imprimée sur du tissu. C'est quand même magique, là. Je garde cette carte comme souvenir vintage ultime de mes premières années de jeu. Moi, c'est mon premier jeu de monde ouvert que j'ai essayé en ligne. J'y jouais avec des amis et nos meilleurs souvenirs sont probablement nos discussions assis sur le toit d'une de nos maisons à simplement parler d'un peu n'importe quoi. Pour ceux qui ont déjà joué, juste pour vous dire, la compagnie a eu la bonne idée de ne jamais effacer nos comptes et de nous permettre de les récupérer quand on revient. Et ça, même plusieurs années après avoir arrêté de jouer. Ce qui fait que moi, sur mes personnages, j'ai des équipements que j'ai acquis à l'époque et qui maintenant sont comme l'équivalent d'être discontinués et ont des valeurs de plusieurs millions de pièces d'or dans le jeu. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Une des choses que je trouvais bien avec ce jeu à l'époque, c'était qu'on pouvait avoir, comme je vous disais, sa propre maison. Au début des années 2000, c'était quand même nouveau pour moi là, d'avoir sa maison dans un jeu. Une maison qui restait là pendant que nous, on ne jouait pas. Mais bon, tu pouvais laisser un vendeur sur le portique de ta maison qui lui vendait des choses en ton absence. C'était quand même nouveau là, comme principe pour l'époque. Mais attention! Les endroits pour placer les plus grandes maisons du jeu étaient toujours difficiles à trouver à l'époque, tellement il y avait de gens qui jouaient. Il fallait explorer, être rapide et parfois même négocier avec d'autres joueurs pour obtenir le terrain parfait pour placer sa maison. Et puis, il y avait aussi ces événements spéciaux qui rendaient le monde encore plus vivant. Parfois, on avait le droit à une attaque d'orques sur un village. Ou, parfois, un des plus grands événements qu'on a eu, ça fut la mort du roi. La mort du roi, le Lord British, le souverain normalement invincible du jeu. C'est une histoire qui est devenue un peu légendaire. Durant un événement public qui était dirigé par les développeurs de l'époque, là, Origin System, Lord British, incarné par le créateur du jeu, Richard Garriott, s'adressait aux joueurs et là, il y en a un qui a lancé un sort d'attaque vers le roi. Puis contre toute attente, le monarque invincible est mort instantanément. Et oui, notre bon roi est mort devant nous. Pourquoi? Eh bien, Richard Garriott avait oublié de réactiver le mode invincible de son personnage après une maintenance technique. Et ce petit oubli transforma un simple bug en un événement historique immortalisé depuis par les joueurs comme l'assassinat de Lord British. Dans le jeu, la réaction fut immédiate. Reigns, le joueur qui avait lancé le sort, fut banni, mais l'histoire circula quand même sur les forums et les médias spécialisés. Pour la première fois, un joueur brisait la frontière entre créateurs et participants et montrait qu'un monde virtuel pouvait être imprévisible et vivant. Donc, je pense que cet incident a changé les jeux de ce type pour toujours et est encore raconté comme un symbole de liberté et de créativité dans le jeu en ligne. Voilà! C'est Ultima Online et juste pour votre information, ce jeu perdure encore en 2026, ça reste un ancêtre. Alors qu'on pouvait être jusqu'à 200 000 actifs là, au début des années 2000, ce chiffre est tombé aux alentours de 35 000 en 2026 d'après ce que je lis et le jeu reçoit toujours évidemment des updates. C'est ça qui est magnifique après 28 ans. En plus, on peut jouer gratuitement bien sûr avec certaines limitations, donc si vous voulez l'essayer, Ultima Online vous attend toujours après ces 28 ans d'existence. Et bien sûr, il y a du contenu pour vous amuser pendant des heures et des heures. Moi, chaque fois que je retombe dans ce jeu, bien, je paye l'accès qui est autour de 10$ par mois pour avoir accès à toutes les options. En fait, ça débloque la banque là, au maximum. Donc, tu as accès à tous les emplacements dans une banque pour déposer tes affaires. Moi, j'ai tellement de stock à la banque que je ne peux plus jouer gratuitement si je veux avoir accès à tous mes anciens stocks là, qui sont sauvegardés là-dedans. Donc, je dois payer un 10$ par mois, ce qui est quand même raisonnable. Voilà, je me suis quand même un peu égaré un peu longtemps avec ce jeu. C'est trop de souvenirs pour moi. Maintenant, on poursuit avec une nouvelle musique de jeu que je vous invite à deviner. Monde sombre et labyrinthique, où chaque couloir peut cacher un démon prêt à surgir, où le moindre bruit peut vous faire sursauter. Et vos armes? Un fusil à pompe, un lance-roquette ou même une tronçonneuse. Nous sommes en 1993 sur PC et ce jeu allait complètement révolutionner le genre. À l'époque, personne n'avait connu une telle immersion à la première personne. La vitesse, la tension, l'exploration, tout était nouveau. Et pour la première fois, les joueurs pouvaient s'affronter entre eux grâce aux multijoueurs en réseau local, donnant naissance au légendaire Deathmatch. L'avez-vous reconnu? Doom, l'ancêtre des jeux FPS, les First Person Shooter. La bande-son qu'on vient d'entendre, une bande-son métal composée par Bobby Prince, accompagnait parfaitement l'horreur des niveaux, rendant l'expérience à la fois stressante et addictive. Mais Doom n'est pas seulement devenu un jeu culte. Non, à l'époque, c'était un succès critique et commercial monumental. Il a été vendu à 3,5 millions d'exemplaires dès 1999 et jusqu'à 20 millions de personnes y ont joué dans les deux premières années suivant sa sortie. Il est souvent appelé le père des jeux de tir à la première personne et considéré parmi les jeux les plus influents de tous les temps. Moi, j'ai bien sûr joué à Doom, peut-être pas le premier, mais l'une de ses déclinaisons subséquentes. Et pour moi, Doom, ça reste le fusil à pompe qu'on recharge et qui nous permet d'exploser un monstre qu'on rencontre au tournant d'un couloir sombre. Et pour finir ce grenier pop en beauté, je ne pouvais pas passer à côté de ce jeu. Ce jeu pour lequel j'ai le plus d'amour. Le meilleur jeu de tous les temps, campé dans un univers médiéval, est celui-ci. Et oui, c'est le jeu Skyrim, selon moi, le meilleur jeu de tous les temps. Les paroles de ce jeu sont chantées en Dovazul, la langue des dragons créée pour le jeu. Moi, j'avais jamais compris ce qu'elles voulaient dire avant de faire des recherches pour l'émission. Donc, on les traduit pour vous. Enfant de dragon, sur son honneur à jurer de garder à jamais le mal à distance. Et les plus féroces ennemis en déroute quand ils entendent le cri du triomphe. Enfant de dragon, pour votre bénédiction, nous prions. Oyez maintenant, fils de la neige, d'un âge fort lointain, et la légende hardiment contée de l'élu, qui était apparenté aussi bien aux worms qu'aux races humaines, doté d'un pouvoir le disputant au soleil. Et les parchemins ont auguré de noirs ailes dans le froid, qui, lorsque des frères se feront guerre, se déploieront. Alduin, fléau des rois, antique ombre libre, avait une faim à avaler le monde. Mais un jour viendra où les mensonges du noir dragon seront réduits en silence à tout jamais, et dès lors, Skyrim, la loyale sera quitte de la gueule immonde d'Anduin. Enfant de dragon, sur son honneur à jurer, de garder le mal à distance, et les plus féroces ennemis en déroute, quand ils entendent le cri du triomphe, enfant de dragon, pour votre bénédiction, nous prions. Allô, allô! Bienvenue dans le Grenier Pop sur CIBL 101.5 FM. Mon nom est Frédéric Lavoie et je serai avec vous au cours de la prochaine demi-heure pour monter dans l'échelle qui mène au grenier. Et cette semaine, dans le grenier, on ouvre un vieux coffre en espérant que ce coffre n'essaie pas de m'attraper au moment de l'ouvrir et que ce ne soit pas un mimique. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un jeu qui a transformé des sous-sols, des tables de cuisine et des soirées entre amis en véritable monde fantastique. Un jeu de dés, de papier, d'imagination. On parle bien sûr de Donjons et Dragons. On entend une chose approcher. Une chose qui a soif de sang. Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Elle t'avale dans le noir. Cette chose est toute proche. Qu'est-ce que c'est? Tu imagines si c'est le Démogorgon? Oh non, pitié, pas ça, on est foutus si c'est lui. C'est pas le Démogorgon. Et là, une armée de troglodytes fonce dans la chambre. Des troglodytes, je te l'avais dit. Qu'est-ce qui se passe? Vous entendez? Il y a un bruit. Boum! Boum! Boum! C'est clair que c'est pas les troglodytes. Le bruit vient d'ailleurs. C'est le Démogorgon! Oh! On est trop dans la merde! Jette un sort, Will! Je sais pas quoi faire! Balance-lui une boule de Il feu! Faut que je fasse au minimum 13! Non, c'est trop risqué! J'aide plutôt un sort de protection! Fais pas comme Oviette, balance-lui une boule de feu! Jette un sort de protection! Démogorgon commence à en avoir assez de vos disputes d'humains! Il marche droit sur vous! Boum! Envoie une boule de feu! Il approche! Boum! Jette un sort de protection! Il de colère! Protection, je te dis, protection! Et ensuite, envoie une boule de feu! Et il est tombé! Il est où? Je sais pas, c'est un 13! Et oui, Donjons et Dragons est partout! partout, même dans les séries les plus populaires du moment. On vient tout juste d'entendre comment tout a commencé dans Stranger Things. Des jeunes autour d'une table, des feuilles de personnages, des dés aux formes étranges et surtout beaucoup d'imagination. Mais bon, cette scène-là, c'est pas juste un clin d'œil télévisuel. Pour bien des gens, c'était et c'est encore une réalité. Donc cette semaine, dans le Grenier Pop, j'avais envie de vous parler du phénomène Donjons et Dragons. Parce que oui, moi aussi, je suis un adepte de ce jeu. Moi, j'ai commencé à jouer à ce jeu dans les années 90 au cégep. Et j'ai encore le souvenir de soirées ou de week-ends quasi complets où on s'assoyait pour des heures avec nos dés, nos feuilles de personnages et on partait à l'aventure sans jamais vraiment savoir où ça allait nous mener. Bon, et avant d'être un phénomène télé, avant YouTube, Twitch et les parties filmées, Donjons et Dragons a d'abord été un jeu de table un peu étrange qui a changé, je crois, à jamais la façon de raconter des histoires. Alors, première chose à faire pour bien comprendre, je pense qu'on doit revenir à l'origine du jeu, son histoire et comment tout a commencé. Mais avant, on écoute un peu de musique pour se mettre dans l'ambiance. Une chanson du Nahal Band, la chanson Troll farceur et elfe farci. En passant, pour ceux qui ne connaîtraient pas le donjon de Nahalbuk, dont on va écouter une chanson, eh bien, c'est une saga MP3 créée en 2001 par John Lang et diffusée gratuitement sur Internet. C'est considéré comme un pionnier des feuilletons audio sur Internet qui a par la suite eu la chance d'être transposé en bande dessinée et en roman. La saga raconte les péripéties d'une compagnie d'aventuriers débutants, un peu comme une histoire de donjon-dragon qui rassemble un ranger, un nain, un elfe, un voleur, une magicienne, un ogre et un barbare, initialement parti dans un donjon, le donjon de Nahalbuk, afin d'y voler une relique, une des 12 statuettes de Gladulfura. Donc, on écoute ça, la chanson du troll farceur et elfe farci. Il marchait dans la forêt. J'ai rencontré un troll. Il marchait dans la forêt. Il traînait derrière lui un elfe tout empaqueté. Il traînait derrière lui un elfe tout empaqueté. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand mon ami troll du chaos. Qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Je lui dis mon ami, que vas-tu faire de Storm? Je lui dis mon ami, que vas-tu faire de Storm? Il me répond, je vais le bouffer, farci avec des pommes. Il me répond, je vais le bouffer, farci avec des pommes. À qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Il brandit sa massue et frappa vers ma tête. Il brandit sa massue et frappa vers ma tête. Il voulait sans tarder m'ajouter dans l'assiette. Il voulait sans tarder m'ajouter dans l'assiette. À qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami troll du chaos. À qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami troll du chaos. L'assaut en courant dans les bois. J'ai évité l'assaut en courant dans les bois. Et quand je me suis retourné, ben il était plus là. Et quand je me suis retourné, ben il était plus là. À qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami troll du chaos. À qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Et j'ai suivi sa piste pour trouver sa caverne. Sa caverne, puis je l'ai vu caché par-delà le gros chêne. Par-delà le gros chêne, à qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami troll du chaos. À qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Yeah! Thank you. troll le prendre un objet pointu. Alors j'ai vu le troll prendre un objet pointu. Et pour farcir les pommes, il lui enfonçait dans le cul. Et pour farcir les pommes, il lui enfonçait dans le cul. À qui il est fort, à qui il est beau, à qui il est grand, mon ami Troll du Chaos. À qui il est fort, à qui il est beau, à qui il est grand, mon ami Troll du Chaos. À qui il est fort, à qui il est beau, à qui il est grand, mon ami Troll du Chaos. À qui il est fort, à qui il est beau, à qui il est grand, mon ami Troll du Chaos. Pour comprendre l'origine du jeu de rôle Donjons & Dragons, il faut remonter au début des années 70. À cette époque, les jeux de société sont surtout compétitifs. Il y a des gagnants, des perdants et des règles plutôt strictes. Mais en 1974, deux passionnés de jeux de guerre miniature, Gary Gygax et Dave Arneson, vont avoir une idée complètement nouvelle. Et si, au lieu de contrôler des armées entières de soldats et cavaliers de plomb, on incarnait un seul personnage. Un personnage qui, en plus, pourrait être un magicien, un voleur et pourquoi pas un guerrier. Un personnage avec une personnalité, une histoire et surtout des choix à faire dans le cadre d'une aventure. Donc, c'est tout simplement comme ça qu'est né Donjons et Dragons. Deux amateurs qui s'amusaient avec des petits soldats de plomb qui vont écrire des règles pour jouer des personnages et encadrer une aventure fantastique. Donc, le concept était simple pour l'époque, mais quand même restait révolutionnaire. Pas de plateau fixe, pas de chemin imposé, pas de fin prédéterminée. Mais bon, il fallait quand même quelque chose de bien particulier. Heureusement, c'est quelque chose qu'on a tous, plus ou moins en grande quantité. C'est de l'imagination. Donc, n'importe qui a le moindrement d'imagination peut jouer à Donjons et Dragons et trouver son plaisir. Mais sinon, si on regarde les règles un peu plus en détail, ça prend quoi? Tout d'abord, il faut un maître de jeu. C'est un peu lui notre guide. C'est le narrateur, c'est l'arbitre, c'est celui qui décrit le monde et propose une aventure dans laquelle les joueurs vont interagir. Donc, c'est lui qui va devoir jouer les personnages que les joueurs vont rencontrer. Il va nous prévoir des pièges. Il doit aussi prévoir des moments amusants. Il doit distribuer des trésors après un bon combat. Et bien sûr, il doit essayer d'arnaquer les joueurs de temps en temps pour qu'ils ne se reposent pas trop sur leur laurier. Ensuite, quand on a le maître de jeu, il faut quoi d'autre? Des joueurs, bien sûr. Eh bien, les joueurs, eux, c'est eux qui vont vivre l'aventure de l'intérieur. Ils sont dans l'action. Ils doivent jouer leur personnage. Certains vont même se déguiser. D'autres vont changer leur voix pour jouer leur personnage en vrai. Donc, tout est permis. Et habituellement, tous les joueurs partent en bas de l'échelle au niveau 1. Ils ont une histoire simple au départ. Ça peut être un simple paysan armé d'une fourche qui décide de quitter son village pour vivre l'aventure. Et pour vivre cette aventure, le joueur va avoir besoin de quoi? De dés. Les fameux dés un peu bizarres de Donjons et Dragons. Des dés à 4, 8, 10, 12 ou 20 faces qu'on lance pour nous aider à savoir qu'est-ce que notre boule de feu a fait comme dégâts. Qu'on lance pour savoir si on a réussi à intimider un garde de la cité qui nous refuse l'entrée de la ville. Et comme on lance des dés, eh bien le hasard est toujours de la partie dans une game de Donjons & Dragons. Le simple fait de ne pas avoir réussi à intimider le garde à l'entrée de la ville peut faire que le groupe se ramasse en prison et que pour s'évader, ils vont devoir fuir par les égouts où un monstre aquatique les attend. En gros, pour ceux qui n'ont jamais joué à Donjons & Dragons, si j'essaie de vous résumer ça simplement, je dirais que Donjons & Dragons, c'est un jeu de rôle sur table où les joueurs incarnent des personnages et vivent des aventures imaginaires guidées par un maître de jeu qui les mènera dans une quête fantastique. Sinon, bon, jouer à Donjons & Dragons, c'est plutôt simple. Tu joues comme si tu étais ton personnage, souvent dans un univers qui est médiéval, où la magie est omniprésente. Bien sûr, pour nous aider, il y a trois livres principaux. Il y a le livre du joueur, le guide du maître et le bestiaire. Ça, c'est notre livre des monstres. Puis la première étape pour les joueurs, c'est de s'inventer un personnage. C'est la première étape. Et bon, moi, je trouve que c'est une des étapes les plus fun à faire. Il y a tellement de choix possibles que c'est difficile de choisir. Donc, je me propose de faire un exemple avec vous. Mais avant, bon, on réécoute une chanson du Naheul Band. Ah, si seulement toutes les chansons pouvaient raconter ma vie. Tu veux que je te dise? Ça serait pénible. Ah. Bon, alors elle parle de quoi la prochaine? C'est une chanson pour les enfants. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Ouais, c'était un petit gobelin qui s'en allait à la plage. Mais il ne savait pas nager, il y avait des requins. Plouf! Le gobelin, il s'est noyé dans les vagues. Miam, miam, a dit le requin, tu finis dans mon oesophage. Voilà ce qu'arrive si t'es pas sage. Aujourd'hui, tu as appris le mot oesophage. La prochaine chanson portera sur la clavicule. Bon, maintenant, notre exemple de personnage pour le jeu Donjon et Dragon. Disons que j'ai le goût de jouer un personnage qui ressemble un peu à Gandalf là, du Seigneur des Anneaux, mais pour le départ, c'est la version Temu de Gandalf. Il est à ses débuts, il est pas très fort, pas très solide, c'est normal, il débute son aventure, il sera de niveau 1. Je lui ai trouvé un nom. Il s'appellera Malakar, qui au début de l'aventure a choisi de quitter son village pour découvrir le monde et qui serait à la recherche de vieux grimoires magiques pour en apprendre plus sur la magie. Donc, c'est mon idée de base, faire un genre de magicien, et en lisant le livre des joueurs de Donjons Dragons, je lis que pour lancer des sorts de magicien, ça prend un personnage avec une bonne intelligence. Donc, quand je vais faire des choix pour créer mon personnage, je vais peut-être privilégier une race qui a des bonus en intelligence. Mais c'est pas obligatoire, mais ça peut aider à être pas trop mauvais. Mais sachez-le, peu importe, tous les choix restent valables puisqu'à la fin, c'est les dés qui vont venir pas mal influencer si ce que vous voulez faire fonctionne ou non. Donc, je me lance, j'imprime une feuille de personnage vierge. Tout d'abord, ça me demande de choisir une race pour Malakar. La race, bon, ça définit ce que ton personnage est à la naissance. Il y a plein de choix. Tu peux être un humain, un elfe, un nain, un gnome. Ça, c'est un peu les races standards. Et chaque race, bon, vient avec des bonus différents. Mais pour notre exemple, on pourrait aller dans quelque chose de vraiment spécial. Laissons les races standards de côté. Allons vers les races un peu plus différentes. Il y en a beaucoup. Et je viens de choisir les Kitsun. Nous serons un homme renard. Donc, si je lis un peu là-dessus, ça me dit « Les Kitsun ont deux formes. Celle d'un humain séduisant au corps mince et aux yeux saillants et leur véritable forme, celle d'un renard anthropomorphe. Malgré leur irrésistible penchant pour les escroqueries, les Kitsun accordent une grande importance à la loyauté et sont des compagnons sincères. Ils adorent les arts, notamment les énigmes et les histoires, s'organisent en clans ancestraux et puisent leur sagesse parmi les vivants et les esprits. » Voilà, j'ai jamais joué d'homme renard, donc ça m'intéresse. Et dans le livre, ça dit que les hommes renards ont les bonus suivants. Plus 2 en dextérité, plus 2 en charisme, moins 2 en force. Donc, si on fait parler un peu là, ces chiffres-là, ça veut dire qu'ils sont avantagés au niveau de la beauté, rapide et précis, mais un peu désavantagés là, au niveau de la force. Donc, je vous avais dit qu'on cherchait de quoi avec un bonus en intelligence. Eh bien, les hommes renards n'en ont pas, mais c'est pas grave. C'est ce que j'ai le goût d'essayer dans l'aventure. Donc, je m'imagine déjà un homme renard qui arrive en ville et qui attire l'attention. Ça peut être intéressant de jouer ce genre de personnage. Et vous allez voir, un peu plus loin, quand on va tirer les dés pour connaître nos stats de départ, eh bien, on pourra prendre de toute façon notre plus haut résultat pour le mettre dans l'intelligence pour être quand même un bon magicien. Donc, maintenant, on a choisi la race, maintenant on doit choisir la classe de notre personnage. La classe détermine ce que ton personnage sait faire. Il pourrait être un guerrier, un magicien, un prêtre, un voleur, un rôdeur, un barbare. Donc ici, ça pourrait être simple. Je pourrais choisir tout simplement le magicien, comme j'ai dit au départ, mais non! Donjons et Dragons est quand même un jeu qui a plus de 50 ans, donc pourquoi se limiter au simple magicien? Non, soyons un peu plus exotiques. Avec les années, le jeu s'est tellement enrichi qu'on a des choix comme ça se peut pas. Et c'est peut-être ça qui, à la fin, peut finir par être mélangeable pour les nouveaux joueurs. Il y a tellement de choix. Donc, moi, je viens de regarder. Il y a plein de classes qui permettent de faire de la magie. Je pourrais être, par exemple, être un ensorceleur ou encore mieux, un oracle qui a accès à des pouvoirs mystérieux. Mais non, mon choix est fait, je veux être une sorcière. Ben, un sorcier dans mon cas, je vais jouer un homme. Donc, voici la description qu'on donne dans le livre pour la sorcière. Certains atteignent la puissance grâce à leurs études, d'autres par leur dévotion et d'autres encore par le sang. Mais la sorcière tire ses pouvoirs de sa communion avec l'inconnu. Crainte et incomprise, elle puise sa magie dans un pacte passé avec une puissance d'un autre monde. En communiant avec cette source à travers le conduit que représente son familier, elle a non seulement accès à de nombreux sorts, mais également à d'étranges aptitudes appelées des maléfices. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on va, elle va avoir un compagnon. Donc, quand on va débuter l'aventure, il faut choisir aussi un compagnon qui est fourni là, dans le livre. Ça peut être un serpent, ça peut être un hibou, ça peut être une araignée, quelque chose qu'on traîne avec nous qui nous donne des pouvoirs supplémentaires. Mais attention! Au cours de l'aventure, il faut le protéger, il ne faut pas qu'il se fasse tuer si on ne veut pas perdre ces pouvoirs-là. Bon, maintenant qu'on a choisi notre classe, on serait rendu à tirer les dés pour connaître nos statistiques. Donc, notre personnage, il a 6 caractéristiques. La force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. Puis les scores qu'on va mettre là-dedans vont influencer presque tous les jets de dés du jeu. Et bien sûr, bon, le nom des caractéristiques, il représente directement ce à quoi c'est lié. Là. Par exemple, si on veut défoncer une porte, ben, il faudrait utiliser la statistique de force. Si je veux faire de la magie, c'est habituellement l'intelligence. Pour savoir combien de temps je peux respirer sous l'eau, la constitution. Donc, pour avoir des chiffres dans ces statistiques, on va tirer des D6. Il y a plein de méthodes là, décrites dans le livre du joueur pour tirer ces statistiques-là. C'est le maître du jeu qui vous la donne. Une des méthodes que j'ai choisies là, pour l'exemple, c'est de tirer 4 D6 puis de retirer le moins beau dé, ce qui devrait nous donner un personnage assez potable. Donc, j'y vais. C'est le moment le plus important. Je suis en train de prendre mes dés. C'est le moment le plus important de la création du personnage. Si je réussis à avoir 3 x 6 sur tous mes jets pour un total de 18 partout, je vais être un magicien indestructible, le plus puissant jamais vu. Mais ça, bon, ça, c'est dans mes rêves. Quand on tire les dés, ben, ça fait un peu bloup. C'est pas du tout ça. Donc, on y va, je tire les dés. Et pour vous donner une idée des bonus que ça donne les différentes statistiques, un 10, c'est comme le milieu, ça donne aucun bonus. T'es normal quand t'as 10. Mais si tu as 12 dans une caractéristique, ça te donne un bonus de plus 1 au dé. 14, ça donne plus 2. Jusqu'à 18, qui lui te confère un bonus de plus 4, ce qui est pas mal fort. Donc, voici nos 6 jets de dés pour nos caractéristiques. J'ai tiré 4D, j'ai eu 5, 3, 2, 1. J'ai enlevé le plus petit jet qui était le 1, ce qui me laisse 5, 3, 2 pour un total de 10. Une stat très normale dans la moyenne qui ne donne aucun bonus. Ensuite, 13. Ici, c'est déjà un bonus de plus 1, c'est correct comme stat. On continue. 15, un bonus de plus 2. Là tu parles. Oh! 16, je suis comme béni des dieux. Là, ça va bien, on est à la moitié. Bonus de plus 3 avec 16. Oh là là, là tout vient de s'écrouler. J'ai roulé un total de 5. C'est vraiment très minable, là, 5 dans une stat. C'est moins 3 au dé pour cette caractéristique. Donc oh là, on continue. Et on termine avec un 8 qui lui est un moins 1. Aïe, aïe, aïe, quand même, c'est un perso qui va être assez normal, qui a failli être bon, mais ça s'est dégradé là, pour les deux derniers chiffres, qui vont nous donner quand même du fil à retordre. Bon, est-ce que je vous ai dit qu'on ne relance pas les dés? Non, c'est ça mes stats, c'est terminé, que ça soit bon ou pas, ça fait partie de l'expérience Donjon Dragon. Tu peux très bien avoir des bons jets ou des très mauvais. Dans mon cas, c'est quand même assez moyen. Et bon, on va devoir survivre avec ça. Ça va forger un peu l'image de notre personnage. Souvent, ben, on roule nos stats tout ensemble, là, autour de la table, avec tous les joueurs, avec le maître de jeu. C'est une étape qui est quand même importante. Donc là, moi, avec ces chiffres-là, 10, 13, 15, 16, 5, 8, je les place où je veux dans mes 6 caractéristiques. Comme je disais, la sorcière, pour lancer des sorts, elle doit avoir une bonne intelligence. Donc, on va mettre notre 16 dans intelligence. Et comme je vous disais, 16, c'est un bonus de plus 3. Chaque fois qu'on va lancer un sort et qu'on va lancer un D20 pour savoir si notre sort fonctionne et touche la cible, eh bien, on va avoir quand même un bonus de plus 3 qu'on ajoute au résultat du dé, ce qui est très bien. Ensuite, pour les autres chiffres, ça devient un peu moins important. Voici ma répartition. Puis comme je suis un homme renard, je vous rappelle, au début, ça disait que je dois ajouter plus 2 en dextérité, plus 2 en charisme, mais je dois retirer 2 à ma caractéristique de force. Donc, je termine avec force 11, dextérité 12 pour un bonus de plus 1. Consti de 15 pour un bonus de plus 2, intelligence 16, bonus de plus 3, sagesse 8, donc un malus de moins 1, et charisme, un malus de 2 au dé. Donc, avec ces ajustements, j'ai quand même de quoi de pas trop mal. Comme j'ai pas beaucoup de charisme, je peux m'imaginer que mon sorcier est probablement pas très joli. Il fait un peu peur à voir, les gens n'aiment pas être près de lui, mais je suis quand même très intelligent, j'ai une bonne constitution, donc j'ai l'air en santé. Bref, on peut s'imaginer comme ça notre personnage juste à partir des chiffres et ensuite, ben, on s'invente un background selon nos goûts. Puis quand il y aura des épreuves dans le jeu qui demandent beaucoup de sagesse et de charisme, quelque chose que mon personnage n'a pas, eh bien, j'aurais juste à rester un peu en retrait et envoyer les joueurs qui sont bons là-dedans. Ça reste quand même une aventure qu'on fait en équipe, donc tout ne repose pas sur mon sorcier. Donc, on sera bon quand on pourra. Ensuite, quoi d'autre sur notre feuille de personnage? Eh oui, il faut tirer nos points de vie. Une sorcière, ça dit dans les règles, c'est un D6 au départ pour le premier niveau. Puis pour le départ, on tire pas le dé habituellement. On prend le maximum. Donc, ça dit un D6, on va mettre 6 points de vie. Plus, j'ai un bonus de 2 points vu que j'ai 15 en constitution. C'est écrit dans les règles. Tu ajoutes toujours à tes points de vie ton bonus de constitution à tes points de vie. Donc, un total de 8 points de vie pour démarrer l'aventure. On se donne toujours au niveau 1 le maximum de points de vie car on veut pas partir à l'aventure avec un personnage qui aurait juste un point de vie et qui risque de mourir juste à recevoir une chiure d'oiseau sur la tête. Donc, ça, c'est pas écrit dans les règles, mais c'est comme une règle non écrite. C'est plus le fun pour les joueurs, puis c'est plus le fun pour le maître de jeu aussi, qui peut envoyer des monstres un peu plus difficiles à ses joueurs. Ensuite, on doit tirer nos pièces d'or de départ. Pour la sorcière, 3d6 x 10, j'ai eu 8, donc 80 pièces d'or que je peux dépenser dans les pages d'équipement. Il y a plusieurs livres d'équipement, il y a plein de choses, mais 80 pièces d'or, c'est pas beaucoup d'or, ça semble beaucoup, mais c'est rien, juste une potion magique de base peut coûter entre 50 et 100 pièces d'or. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on achète les choses de base du quotidien qui ne coûtent pas trop cher et qui vont nous permettre de survivre au début de l'aventure, et plus tard, en cours d'aventure, quand on a un peu plus d'argent, qu'on a ramassé des trésors, eh bien, on s'en va s'équiper chez les marchands. Donc, en partant, je pourrais dire que j'ai une belle cape noire, un bâton pour me défendre, je m'achète un sifflet, de la corde, et gratuitement, lorsque la partie démarre, vous pourrez vous ramasser une roche par terre, c'est gratuit et on ne sait jamais quand on va avoir besoin d'une roche pour assommer quelqu'un. Donc voilà, on est prêt à débuter. Le maître de jeu, notre guide, lui doit avoir bien lu le livre des joueurs qui explique toutes les règles. Il doit avoir lu le guide du maître qui lui explique comment mener une partie et doit connaître les petites créatures du livre des monstres pour débuter car on ne veut pas rencontrer le dragon de niveau 20 en partant. Non, la majorité des aventures débutent avec des rencontres avec des petits gobelins ou des squelettes. Ce sont les petits monstres de départ du livre du bestiaire là, de jeu. Et voilà, on est parti. Le maître de jeu nous met dans l'ambiance. Il nous explique comment le groupe s'est rencontré. On décide ça un peu tout le monde à l'avance ou on le joue en vrai jeu. Certains vont décider d'être frères et sœurs dans l'aventure ou les aventuriers peuvent simplement avoir été engagés par un magicien de la ville qui leur offre 100 pièces d'or pour aller récupérer un parchemin dans un cimetière. Bref, une fois que c'est parti, le maître joue des personnages, décrit ce qui se passe, répond à vos questions, invente des choses. C'est ça, Donjon Dragon. Voilà, c'est déjà tout pour ce grenier pop spécial Donjon Dragon. Je termine avec 2 recommandations. Si vous voulez vous essayer à jouer, tous les règles, les livres et aventures préparées sont sur le site pathfinder-fr.com. www.lecampagnequebec.org. Et si vous voulez écouter sur YouTube des campagnes de joueurs du Québec, je vous suggère mes deux chaînes préférées, la chaîne Coup Critique et la chaîne Etugame. Ils nous font des aventures qui s'étalent sur plusieurs saisons. C'est magique, c'est tellement le fun à écouter. Trouvez une playlist d'une de leurs campagnes et vous allez pouvoir découvrir Donjons Dragons de la plus belle façon en voyant une vraie partie. Donc, je vous rappelle le nom des chaînes, la chaîne Coup Critique et la chaîne Etugame. Sur ce, bonne partie! Le grenier pop, un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop. Le grenier pop. Allô, allô, bienvenue dans le Grenier Pop sur CIBL 101.5 FM. Je m'appelle Frédéric Lavoie et je serai avec vous au cours de la prochaine demi-heure pour monter dans l'échelle qui mène au grenier. Et cette semaine, j'ai acheté quelque chose en prévision de cette émission. Oui, quelque chose qui est lié à une vieille tradition. Un objet qu'on retrouvait autrefois sur la table de cuisine. Un objet qu'on consultait bien avant Internet, bien avant les applications de météo. Un objet qui servait à prédire les saisons, les récoltes et parfois même l'hiver à venir. Donc cette semaine, j'ai mis la main sur The Old Farmer Almanac 2026, ou en français l'Almanach du Vieux Fermé. C'est l'édition canadienne. D'après ce que je lis, sa première édition est parue en 1792 aux États-Unis. À l'époque, le pays est encore jeune. L'électricité n'existait pas et l'information circulait lentement. Donc, pour les fermiers, connaître la météo à venir n'était pas un luxe, c'était une question de survie. L'almanach lui proposait alors un mélange étonnant. Prévision météo, phase de la lune, date de plantation, conseils agricoles, mais aussi anecdotes, recettes, dictons populaires et même un peu d'humour. Ce qui a fait sa renommée, c'est surtout sa méthode de prédiction météo. Une formule tenue secrète, transmise au fil des générations qui combinerait observations solaires, cycles lunaires et données climatiques historiques. Résultat, depuis plus de deux siècles, l'almanach donne des prévisions. Mais bon, je me demandais, sont-elles précises ces prévisions? L'almanach, lui, affirme depuis des décennies que ses prévisions météo à long terme sont justes. Ses éditeurs parlent d'une méthode secrète, une formule qui n'a jamais été rendue publique et qui fait partie du mythe. Dans l'almanach lui-même, je l'ai feuilleté, il y a une page qui se nomme « Précision de nos prévisions de l'année passée ». Si je regarde leurs résultats, ils indiquent avoir été précis pour les températures 85,7% du temps. C'est quand même pas mal. Mais bon, je ne l'ai pas acheté pour la météo. Non, j'étais surtout curieux d'avoir cet objet entre les mains. Et dès que je l'ai pris, j'ai remarqué une chose. L'almanach est troué. Oui, littéralement troué. Il y a un petit trou dans le haut à gauche de la couverture. Et non, ce n'est pas un défaut d'impression. D'après ce que j'ai lu, ce trou est là pour une raison bien précise. À l'origine, on accrochait l'almanach au mur, souvent dans la cuisine, la grange ou l'atelier. Un clou, une ficelle et hop, l'almanach restait bien en vue toute l'année. Parce que ce n'était pas un livre qu'on rangeait sur une tablette, non, c'était un objet qu'on devait consulter régulièrement pour savoir les cycles de la lune, pour les semis, pour les dictons du mois ou juste par habitude. D'après ce que je lis, ils ont voulu faire disparaître le trou dans les années 90 par économie car le poinçonnage de tous les almanachs coûtait environ 40 000 $. Mais non, les abonnés se sont plaints. Il y a eu suffisamment de plaintes pour que le trou refasse son retour. Comme quoi, il ne faut pas jouer avec les bonnes traditions. Bon, on écoute un petit morceau de musique qui se nomme « Au pays des merveilles de Juliette » et au retour, on ouvre l'almanach ensemble pour en découvrir les secrets. vous marchiez, Juliette, au bord de l'eau. Vos quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. Sur les vieux écrans de 68, vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez un pagaie de l'autre côté du miroir d'un café. Dans la tire qui mène à Hollywood, vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Les superstars, les petites filles de Marlène, vous coinceront Juliette dans la nuit américaine. J'ai feuilleté rapidement l'almanach et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il est rempli de chroniques et d'articles qu'un fermier pourrait quand même bien apprécier. Dès le début de l'almanach, on a une page de statistiques sur l'agriculture. Ce sont des statistiques là, américaines, quand même si j'ai l'édition canadienne, ça reste un bouquin américain dans ses racines. Mais avec la version canadienne, bien, on a des prévisions qui sont ajustées pour nos régions et d'autres ajustements pour que l'almanach là, reflète notre réalité canadienne. Donc, si on regarde cette première page de statistiques ou de mise à jour, car je soupçonne que le format revient d'année en année pour avoir comme un genre de suivi. Donc, on y apprend que l'âge moyen des fermiers débutants est de 47 ans, ce qui me semble quand même très vieux, mais bon, ils ont mis la référence, là, c'est sorti des données de 2022 du Census of Agriculture of USA. C'est le genre de statistiques là, canado-américain. Une autre statistique intéressante, ils disent qu'il y a environ 1 million de fermes qui ont 10 ans ou moins, donc qui sont exploitées par de nouveaux fermiers. Et 51% de ces nouveaux agriculteurs travaillent hors de la ferme 200 jours ou plus par année. Donc, je déduis de cette statistique que beaucoup de jeunes fermiers gardent un emploi quasiment permanent là, à l'extérieur de la ferme. Ensuite, il nous donne le nombre total de fermes aux États-Unis. On est autour de 1,9 million avec une superficie moyenne de 563 acres. Et là-dessus, il y a 568 000 de ces fermes qui sont spécialisées dans la production bovine ou laitière. Donc, comme je disais, j'imagine que chaque année, l'almanach redonne ce genre de statistiques. Ça permet de suivre l'évolution là, au fil des ans. Ensuite, dans les pages suivantes, on a encore certaines statistiques que je trouve intéressantes. Il y a des chiffres commerciaux. On y apprend par exemple que le prix moyen des terres est de 4160 $ US l'acre. Et bon, il y a des endroits qui sont évidemment plus coûteux. Donc, ils nous nomment les trois États les plus coûteux. On parle de la Californie, qui, les terres se vendent 17 000 $ US l'acre. Ensuite, le New Jersey, qui est autour des 15 000 et la Floride, 10 000 $ US de l'acre. Donc, beaucoup plus coûteux d'acquérir de la terre là, dans ces trois États. Maintenant, si on avance toujours dans l'almanach, qui compte en tout 256 pages, on apprend que 46% des ménages américains possèdent un chien, 32% un chat, donc la faveur est au chien, d'après ce qu'on lit. Ensuite, 3% les poissons, 2% un oiseau et 1% des ménages ont des lapins. On va même jusqu'à nous donner les races qui sont les plus populaires. Pour les chiens, on parle du Labrador, le Chihuahua et le Golden Retriever. Pour les chats, on parle des chats persans, les chats à poils courts britanniques et les siamois. En tournant les pages, je remarque que l'almanach donne beaucoup d'informations sur les tendances. Par exemple, un article intitulé « Plus d'œufs dans plus de paniers » explique que les nouveaux fermiers sont à la recherche de nouvelles sources de revenus. Et bon, on y apprend que beaucoup de ces nouveaux fermiers, pour aller chercher ces nouvelles sources de revenus-là, ils vont eh bien, offrir de l'expérience ferme à leurs clients. Donc ça, j'imagine que ça correspond aux visites de mini-fermes là, que beaucoup proposent là, dans leur ferme. Ensuite, vient en deuxième l'expérience fleur, où en plus des légumes, là, tu peux aller cueillir de jolies fleurs en allant chercher tes légumes chez le marchand. Et enfin, l'ajout de semences de différentes variétés pour proposer une offre originale à leurs clients. Donc, j'imagine que ça, c'est un moyen là, d'attirer les gens à leur kiosque quand tu proposes des produits que les autres n'ont pas. Ensuite, un témoignage intéressant d'une agricultrice qui parle de sa ferme familiale centenaire. Pour survivre, cette ferme, qui ne produisait que du lait, a dû se diversifier dans les années 80. Ils ont ajouté la production de chèvres et de laine, ce qui leur aura permis de diversifier leurs sources de revenus. Donc, on trouve beaucoup ce genre de conseils et d'articles dans l'almanach là, pour les nouveaux fermiers. C'est quand même intéressant. Mais moi, bon, quand j'ai acheté cet almanach, j'avais un objectif caché. Pas juste d'avoir mon sujet pour l'émission. Non, je voulais voir la section des recettes. Et oui, dans l'almanach, il y a comme un concours annuel des meilleures recettes. Cette année, bon, ils demandent aux lecteurs d'envoyer leurs meilleures recettes qui utilisent des baies. L'année passée, c'était les meilleures recettes utilisant les tomates. Donc, on va découvrir ensemble les gagnants. Le premier prix qui a reçu 300$, c'est une recette de confiture à la tomate et au bacon. Alors, je vous lis la recette. S'il y a du bacon, c'est sûrement bon. Donc, les ingrédients. Une demi-livre de bacon, 2 tasses d'oignons coupés, 2 tasses de tomates anciennes pelées, 3 tasses de tomates prunes, 3/4 de cuillère à thé de paprika, même quantité de sel, 1/2 tasse de cassonade, 1/3 de tasse de sirop d'érable, 3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Ça, c'est les ingrédients. Et bon, pour préparer la confiture, préchauffer le four à 400, couper le bacon en deux et le cuire 10 à 15 minutes au four. Ensuite, on sort le bacon, on le coupe en petits morceaux, on le cuit dans une grande poêle à feu moyen pour faire fondre le gras. On ajoute les oignons et on cuit 7 minutes de plus. Ajouter le reste des ingrédients sauf le vinaigre et cuire 25 minutes en remuant souvent. Quand le mélange a réduit, ajoutez le vinaigre balsamique et bien remuer. Mixez le tout dans un robot culinaire jusqu'à obtenir la texture d'une confiture. Et voilà, on laisse refroidir et on peut tartiner sur nos toasts. C'est supposément délicieux. C'est quand même une idée. Moi, je suis habitué aux confitures de petits fruits comme les framboises ou les fraises, mais bon, une confiture à la tomate et au bacon, j'imagine que ça donne un nouveau goût dans la bouche. Maintenant, avant de poursuivre avec l'almanach, pour ceux qui s'intéressent un peu à la terre là, et aux choses de la ferme, j'ai un petit plaisir sonore pour vous. Un écho du passé, un extrait d'un film de l'abbé Maurice Proulx, ce prêtre cinéaste qui a filmé le Québec là, durant les années 1930 à 1960 en capturant la vie agricole d'autrefois. Donc, je vous propose un extrait d'un de ses films qui a été tourné dans les années 50, un film sur ma région natale. Le film se nomme « Au royaume du Saguenay ». On écoute l'extrait. Dans les larges étendues couvertes de broussailles est né un drôle de dicton. 3 pour une tarte. Tant sont plantureux les célèbres bleuets du lac Saint-Jean. Cadeau de la nature, les bleuets sont devenus une industrie saisonnière qui apporte dans la région plus $1,5 million de dollars par année. En été, la manne bleue recouvre les savanes. La ramasser est l'affaire de toute la famille. Quand la cueillette de la journée est rassemblée, les bleuets sont passés au crible sur le champ pour les séparer des petites feuilles et des brindilles. Les professionnels de la cueillette campent dans la plaine tant que dure la récolte. Ils vivent dans des remorques, des chalets ou sous la tente. Bientôt, un camion fera sa tournée et transportera les caissettes au centre d'expédition. C'est à Dolbeau que les petits fruits bleus prennent le train. Leur qualité fait l'objet d'une surveillance constante de la part des inspecteurs du gouvernement provincial. Les bleuets, frais ou congelés, sont dirigés sur les marchés canadiens et américains. Vous vous souvenez des trois bleuets pour une tarte? Eh bien, c'est faux. Confidentiellement, il en faut six. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça, les films de l'abbé Proulx. On peut trouver des versions numérisées sur des chaînes d'archives comme celle de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ou souvent ils les mettent disponibles sur YouTube. Sur YouTube, il y a plein de ces films qui sont là, et ça nous permet de voir le Québec d'antan. Comment se passait la vie à ce moment-là, dans les années 40, 50, 60? Ce sont de beaux films. Je vous invite à découvrir celui de votre région, là, si vous ne l'avez jamais fait. Tantôt, on a écouté un extrait de celui sur le Saguenay, mais l'abbé Proulx y a parcouru le Québec, ce qui fait qu'on a des films sur un peu toutes les régions. Par exemple, on a des films sur la Gaspésie, l'Abitibi, les îles de la Madeleine, région du Québec. Bref, plein de régions ont leurs films. Maintenant, de retour à notre almanach du Vieux Fermier 2027. On est rendu à la section horoscope et prédictions astrologiques un petit peu bizarres. J'ai été surpris de trouver une section dans l'almanach qui se nomme « Meilleures journées de 2026 ». Je me disais, c'est les meilleures journées, pourquoi? Eh bien, selon de très scientifiques le calcul qui sont basés sur les chartes de la Lune, eh bien, il nous donne la meilleure journée, par exemple, pour arrêter de fumer. Donc, ceux qui prévoient arrêter de fumer, la meilleure journée en février pour faire ça serait le 5 ou le 10 février. Bon, là, je vous donne les dates là, pour février, mais c'est un gros tableau avec les meilleures journées pour chacun des mois et pour chacune des activités. Donc, je vous donne des exemples. On a aussi, pour ceux qui aimeraient faire la recette de confiture, eh bien, la meilleure date pour faire des confitures en février serait du 17 au 19 février, selon la Lune. Sinon, si vous voulez commencer une diète pour perdre du poids, on fait ça le 5 ou le 10 février. Si vous commencez une diète pour gagner du poids, donc pour les sportifs qui veulent prendre de la masse, on fait ça le 20 ou le 24 février, c'est là qu'on débute. Ensuite, de quoi un peu comique, pour encourager la... on coupe nos cheveux. Pour les encourager à pousser, on fait ça le 22 ou 23 avec notre barbier. Sinon, si vous voulez décourager vos cheveux à pousser, ben coupez-les du 5 au 7 février. Ensuite, on nous dit d'aller chez le dentiste le 3 ou le 4, ce serait la meilleure journée. Donc, nos dentistes vont être très occupés ces deux journées-là. Ensuite, on fait des journées pour la peinture, ce serait du 5 au 7 février, c'est les meilleures journées. Si vous êtes dans le processus pour acheter une maison, les meilleures journées seraient le 22 et le 23 février. Finalement, pour acheter un animal, 26 et 27 février. Donc voilà, c'était quelques exemples de cette belle table des meilleures journées de 2026. Eh bien, savez-vous, en lisant ça, ça me fait comprendre certaines choses de mon passé. Je comprends maintenant pourquoi, quand j'étais plus jeune chez mes grands-parents, on me disait « Si tu veux aller débroussailler tel chemin, eh bien, tu es mieux d'attendre tel week-end ou telle date. Si tu fais ça à telle date, eh bien, les branches vont repousser moins vite. » Je pense que ce genre d'adage, là, où on me disait qu'il vaut mieux attendre un certain moment à cause de la lune ou d'autres facteurs mystiques pour que les branchages soient plus efficaces, eh bien, ça restait toujours un petit peu mystérieux. Je dis pas que c'était pas vrai, mais l'explication qu'on me demandait si je posais des questions, ça pouvait toujours rester un peu nébuleux. Ça restait un peu dans le domaine des croyances ou des savoirs un peu anciens. Eh bien, je suis maintenant content de comprendre que toutes ces affaires-là proviennent probablement de l'almanach du Vieux Fermier, qui garde ces informations pour nous et que mes grands-parents probablement avaient ça à la maison aussi chez eux. Donc, maintenant, passons aux prévisions météo. C'est quand même une grosse section là, de l'almanach. Beaucoup de gens l'achètent justement pour savoir le temps qu'il va faire l'année prochaine. Que nous réserve 2026 au Québec? Prévision de la région Québec du Sud. Je vais vous lire le paragraphe. En plus, bon, l'almanach, il est tout en anglais, mais pour les prévisions météo, ils ont pris la peine pour la section du Québec de le traduire en français. C'est quand même bien fait, c'est gentil. de nous faire ça en français. Donc, je vous lis ça maintenant. L'hiver sera plus chaud que la normale. Les périodes les plus froides auront lieu en décembre ainsi qu'au début et à la fin janvier. Les précipitations seront supérieures à la normale. Les chutes de neige seront inférieures à la normale. Les périodes les plus neigeuses auront lieu à la fin novembre, au début et à la fin décembre, ainsi qu'au début janvier. Bien ça, je suis content de l'apprendre. Je suis tanné d'aller passer le souffleur dehors. Donc, selon l'almanach, la période neigeuse serait pas mal terminée. Maintenant, ils nous disent pour la période d'avril et de mai, ce seront les deux mois les plus frais et les plus humides que la normale. L'été, lui, sera plus chaud que d'habitude. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y aura des précipitations inférieures à la normale dans l'est et supérieures à la normale dans l'ouest. Les périodes les plus chaudes auront lieu. Bon, écoutez ça, là, pour prendre vos vacances, là, pour avoir du beau temps. Fin juin et au début et à la fin de juillet, ainsi qu'à la mi-août. Ensuite, septembre et octobre seront plus chauds que la normale dans l'est et plus frais dans l'ouest. Les précipitations seront supérieures à la normale. Puis là, après ça, bon, je ne vous lis pas la suite, là, mais tout est détaillé par groupe de 3-4 jours. Ils nous disent, bon, si on regarde juste pour le mois de janvier, si je regarde du 22 au 27 janvier, ensoleillé, puis de la pluie et de la neige, puis un redoux. Donc, on nous annonce un peu de pluie selon l'agenda, puis à la fin du mois, ensoleillé et froid. Donc, voilà. Maintenant, on passe à l'autre section qui est un peu comique, c'est la section horoscope que nous réserve 2026 pour le Sagittaire. C'est mon signe. Je vous lis ça. Le Sagittaire est le chercheur de vérité du zodiaque. Incapable de mentir, il respecte les règles. Il a besoin que les choses soient solides et justifiables avant de pouvoir se détendre. Les agendas cachés, les enquêtes secrètes, la manipulation ou les intentions malhonnêtes ne lui conviennent pas. Il se défoule en explorant physiquement ou intellectuellement. Découvrir un nouveau quartier en marchant ou à vélo ou simplement se documenter sur des lieux exotiques le libère du quotidien. Méditer avec de la musique douce aide à calmer l'esprit du Sagittaire. Éteindre le téléphone portable apporte un merveilleux silence. Donc voilà, que de bons conseils que je vais essayer de suivre. Donc maintenant, petite pause musicale dans le grenier pop avant qu'on poursuive dans ce spécial Almanach du Vieux Fermier 2000. Che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino. Sembrava a prima vista tanto per benino. Si offre a far da guida per la città. Pedro, Pedro, Pedro. Practica. nous voilà déjà dans le dernier segment de l'émission. Je vous rappelle, avant de l'oublier, que nous avons notre bingo radio le dimanche à partir de 13h. Tous les détails sont sur la page web de l'émission sur CIBL1015.ca. Sur la page du bingo, vous trouverez tous les endroits pour acheter vos cartes de bingo pour ainsi pouvoir jouer avec nous depuis la maison. Maintenant, de retour à notre almanach du vieux fermier, je ne sais pas si je vous avais donné son prix, c'est 10$, c'est le prix que moi j'ai payé. Moi, je l'ai acheté à l'épicerie, il n'y en avait que 2 exemplaires, donc si vous n'êtes pas abonné et que je vous ai donné le goût d'en avoir un exemplaire, eh bien, c'est le moment d'aller l'acheter. Bien sûr, il y a des pages qui sont plus amusantes que vraiment utiles, comme celle sur la meilleure journée de 2026 pour faire telle ou telle chose dont nous venons de parler. Mais bon, au fil de mon feuilletage, j'ai trouvé plusieurs autres pages très intéressantes. Par exemple, pour ceux qui aiment la pêche, il y a 2 pages complètes qui expliquent comment faire nos nœuds d'hameçon pour que le fil ne lâche pas. On y trouve aussi des conseils de base. Le meilleur moment pour pêcher serait 1 heure avant et 1 heure après la haute ou basse marée, car c'est là que le poisson serait le plus actif. On nous dit même que juste avant l'arrivée d'une tempête, ce serait un bon moment pour aller pêcher, même si la chute de pression atmosphérique aura à long terme pour effet de réduire la période d'alimentation du poisson. Dans l'almanach, j'ai aussi trouvé plein de conseils sur les semis et la culture. Par exemple, selon le calendrier naturel, je ne devrais pas semer mes patates tant que les premiers pissenlits ne sont pas apparus. Pour le maïs, il faut attendre que les feuilles de chêne soient grosses comme des oreilles d'écureuil. Et quand le lilas est bien fleuri, on peut semer les fèves, concombres et courge. Donc, c'est pas magnifique, des conseils qui se basent sur l'observation tout simple de la nature. Moi, bon, je vais le retenir, patate, pissenlit. Voilà, tous ces trucs et plein d'autres basés sur l'observation de la nature, vous les retrouverez soigneusement consignés dans l'almanach. Ce qui m'amène à conclure l'émission, j'ai bien aimé lire l'almanach du vieux fermier 2026. C'est un bel exemple de savoir ancien qui traverse quand même les générations et nous rappelle que parfois les meilleurs conseils viennent simplement de regarder autour de nous. Alors que vous soyez fermier, jardinier, pêcheur ou juste curieux de la vie rurale d'autrefois, l'almanach du vieux fermier est une petite fenêtre sur un monde sur lequel on peut toujours apprendre. Donc merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le Grenier Pop et à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes et un peu de nostalgie. Le Grenier Pop, un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop. Le Grenier Pop. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Willow? T'as fait une belle idiotie, Peck. Ne me traite pas de Peck. Oh, mille excuses. Peck, Peck, Peck, Peck, Peck, Peck, Peck, Peck. Je t'avertirai pas 2 fois. Je suis un sorcier très puissant. Tu vois ce gland? Je te le lance et tu te changes en pierre. Oh! J'ai peur, arrête. Non, fais pas ça. Au secours! Au secours! Il y a un Peck qui le menace! Il a un gland dans la main! J'ai pas envie de le gaspiller.